On est moins nombreux là d'un coup là. Ils sont partis. Allez, joue-nous un petit morceau au fil comme tout à l'heure là. C'était pas mal. Vas voir Corinne, il assure. Allez, go! Moi ce soir je suis en mode prof de guitare, je t'écoute. Mais je sais pas si je vais remettre mon casque. Tu rigoles, ouais. De la pop, mais de la vraie pop, hein. Bon, à toi, Mike. C'est déjà pas mal, hein? On va essayer ça là. Ah. C'est dur la vie de musicien. C'est dur. Enfin, musicien. C'est un Mike qui l'assure. Oh, il est bon lui. Je vais muter parce que la batterie. Attends, je vais en mettre. Attends, parce que je regardais pas l'écran. Je suis en train d'essayer de brancher une guitare que j'ai récupérée. Enfin, que qu'on m'avait offert, mais que j'avais mis dans un coin. Oh non, Jordi est parti, putain. Je m'appelle Lordi, j'ai 4 ans et c'est petit. Non, celle-là, fallait la faire. Elle est conne, mais bon. C'est ma grande qualité. Bon, je vais essayer de mettre de la batterie. Si ça veut bien marcher, cet ordinateur. Alors, attends. On est en combien, là? 110? Non. Moi, je suis en 110. Alors, bon. Et Corinne, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, Corinne. Calme-toi, Corinne. Nous t'avons laissé rentrer dans notre studio d'enregistrement. Franchement, sois gentil, sinon on te fout dehors, hein. Tu sais, c'est vite fait la porte, hein. On est des musiciens, attention, on n'est pas commode des fois les musiciens. Bon alors, putain, c'est où ma batterie là? J'ai perdu la batterie. Ouais, est-ce qu'il va falloir...